Ouais. Allô, ouais, je viens de sortir du bureau. Bon, bah, exactement ce qu'on pensait. Je me suis fait niquer. J'ai sauté. Et là, je sais pas, j'ai vu toutes les têtes là, toutes les huiles. Ils étaient en rang d'oignon là, ils m'observaient. J'ai l'impression qu'il y a un gros plan derrière. Ils vont se faire sauter tout le monde. Et je pense que tu vas sauter aussi, frérot. Encore un collègue qui va me tourner le dos. Le licenciement, c'est comme les accidents, c'est pour les autres, positif. Je me sens zen, mais je m'agite. Je vais quand même pas stresser à cause d'une putain de messagerie. Le ballast et les turbines dans ma routine, mois de décembre. Je travaille en jean, en basket, en détente. Je vais à crédit, tout va bien. CDI, le collègue s'est fait virer, mais je vais le laisser dans ses délires. Je vais au bar face à la gare, encore un verre titube. Je repense au message, un peu d'incertitude. Si c'était vrai, y'a peut-être un truc qui se prépare. Un truc que je sais pas, mon pot de départ. Bientôt en stress, pas question que je faiblisse. Je souris, mais en vrai, dans ma tête, je refais le film. Je vacille, pensée piquante. Je guette un signe, dans ma tête y'a un think tank. Je commence à saisir, j'en deviens agressif. Mon travail c'est mon identité, comme ça que j'existe. Je pense au futur, à pas finir à terre. Peut-être que le bruit court, je suis dans le collimateur de mon supérieur, pourtant je m'entends bien avec lui. Ça vient pas de lui. Mais tu bosses de son chef et ainsi de suite. De toute manière t'es toujours le dernier au courant. Les gros tourments quand la poisse t'attend au tournant. Tu peux tout perdre, Mallory, Nataf, Ophélie. C'est bientôt Noël et je veux pas le fêter comme Félix. J'entends d'ici tous leurs vieux poncifs. Je vois déjà ces cons me dire que je peux encore rebondir. Il en faut peu pour être dépité. Et si c'était vrai, si j'étais viré. J'éteins mon tel, marre de ces messages. Dans la froideur d'un mauvais présage. Le message vient d'être supprimé. Un coup de fil et ça tourne, tout file. Un coup de fil et puis tout se crie. Je vois rouge vif, pris dans un tourbillon. Un coup de fil et ça tourne, vite tout file. Un coup de fil et puis tout se fit. Je vois rouge vif, pris dans un tourbillon. Un coup de fil et ça tourne, vite tout file. Un coup de fil et puis tout se fit. Je vois rouge vif, pris dans un